L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. De la cellule à la société. De la même manière que l'individu est formé de cellules ayant une spécialité, la société est formée d'individus ayant un métier. Chacun va dans le sens du tout. Chaque individu est une cellule de l'organisme société. Chaque entreprise est un organe de cette société, agissant pour elle-même et pour les autres, séparément et pour le tout. Plus les organes ou métiers sont spécialisés, plus le corps ou la société peut réaliser des objectifs différents. Ainsi, il va de soi qu'il faille une tête à une société. Sinon, on ne pourrait coordonner les cellules, les humains. On ne pourrait répondre au court terme. Tout comme on ne sait pas pourquoi la vie s'organise, on ne sait pas pourquoi la société s'organise. Ainsi, chaque individu agit pour lui-même et le tout. S'il ne le fait pas, les autres cellules se doivent de chasser la cellule ou l'individu. La cellule utilisera l'immunocompétence, l'humain utilisera la politique. Il s'agira alors pour la cellule ou l'humain de sentir la responsabilité du tout, de diriger au lieu de participer, afin que la direction reprenne le contrôle du tout. Il est très difficile pour un corps de chasser les cellules cancéreuses. En effet, les cellules se comportent individuellement. Alors la société ne peut recevoir d'aide de l'extérieur pour se réorganiser, mis à part celle de Dieu. Ainsi se pose le questionnement de savoir si Dieu organise notre société quand elle va mal. Lecture, la monadologie de Leibniz. Mes notes. Pourquoi la société s'organiserait-elle? C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à SRM.